L'orange à Dieu, nous le glorifions, nous lui demandons pardon et son aide. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui que Dieu guide, personne ne peut l'égarer, et celui que Dieu égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu seul et unique mérite d'être adoré et salué. Et j'atteste que Mohammed est le prophète de Dieu et son serviteur, le modèle parfait envoyé aux hommes et aux génies. J'atteste qu'il est bien le meilleur des adorateurs, ainsi le guide des pieux. Que la prière de Dieu et ses bénédictions soient sur lui et sur sa famille les purifiée, ses compagnons les pour ce dernier et tous ceux qui l'auront suivi jusqu'au jour dernier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais continuer sur la croyance des prophètes, deuxième partie. Je répète, tout ce que je dis, ça vient des pieux prédécesseurs, je ne suis ni imam et ni savant. L'histoire de Al-Yassal. Voici quelques extraits de la révélation divine faite à Daoud alayhi salam, rapportée avec plus ou moins d'authenticité par nos savants. L'imam Aboul Faraj ibn al-Jawzi, qui a la phrase de miséricorde, a dit: Allah a révélé à Daoud alayhi salam, oh Daoud, tu ne me rencontreras pas avec une œuvre qui procure mieux mon agrément et efface tes fautes que ton contentement devant mes décrets. Source Minhaj al-Kathadin. L'imam Jalal ud-Din Souyati, que Allah lui fasse miséricorde, rapporta qu'il fut révélé à Daoud alayhi salam, au Daoud. Après toi viendra le prophète appelé Hamed et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il sera véridique et est le Seigneur. Jamais il ne subira mon courroux et jamais ne le provoquera. Car avant même qu'il m'ait désobéi, je lui aurais déjà accordé mon pardon pour ses fautes passées et futures. Sa nation est l'objet de ma miséricorde. J'ai prescrit à ses membres des œuvres surrogatoires comparables à celles que j'ai prescrites aux prophètes. Et je leur ai imposé des obligations comparables à celles que j'avais imposées aux prophètes et aux messagers, afin qu'ils viennent à moi au jour de la résurrection avec la lumière semblable à celle des prophètes, comme je l'avais ordonné aux prophètes avant eux. Je leur ai imposé de se purifier de la souillure charnelle, comme je l'avais ordonné aux prophètes avant eux. Je leur ai ordonné le combat. Source Nuzul Isa fi Hakhil al-Daman. L'imam Abu al-Falaj ibn al-Jawzi, qui a la phrase miséricorde, a dit: On a rapporté ceci à Allah, a révélé à Daoud alayhi salam. Si ceux qui se détournent de moi savaient comme je les attends, comment je suis attentif à eux et comme je désire ardemment qu'ils délaissent les péchés, ils mourraient de nostalgie pour moi et se mettraient en morceaux par amour pour moi. Oh Daoud, si telle est ma volonté au sujet de ceux qui se détournent de moi, qu'en est-il alors de ceux qui viennent vers moi? Oh Daoud, le serviteur n'a jamais autant besoin de moi que lorsqu'il se passe de moi, et il n'a jamais aussi illustré pour moi lorsqu'il revient vers moi. Source Minhaj al-Kathadin. Ensuite, l'imam Ibn al-Jawzi, qui a la phrase miséricorde, a dit: Allah a révélé à Daoud alayhi salam, aime-moi, aime celui qui m'aime et fais-moi aimer de mes créatures. Daoud dit alors: Comment te faire aimer de tes créatures? Oh Allah Azzawajal. Allah lui dit: Mentionne-moi avec élégance et excellence et évoque mes bienfaits et ma beauté. Source Minhaj al-Kathadin. L'imam Ibn al-Jawzi, qui a la phrase miséricorde, a dit: Daoud alayhi salam a dit: Seigneur, quel est celui qui parmi tes serviteurs est le plus détestable pour toi? Allah lui dit: serviteur qui m'a consulté sur une affaire et qui j'ai donné le choix approprié, mais qui n'en fut pas content. Sur ce Minhaj al-Kathadin. Allah, Azzawajal, le cita en deux reprises en compagnie d'autres prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il a dit. Mais aussi Ismaïl, El, Yatha, Younes et Lot, nous avons favorisé chacun d'eux en les plaçant au-dessus du reste du monde. Sourate 6, verset 86. Mais aussi, souviens-toi de Ismaïl et El, Yatha, ainsi que de Dhulkelf, chacun d'eux étant parmi les meilleurs. Sourate 38, verset 48. Le terme Yatha vient du verbe Wasiya, Yasao, qui signifie englober englober, élargir ou encore détenir pleinement. Le Hafiz Ali ibn Asakir Ad-Najki, de la Réforme américaine, a dit sur Al-Yasar, Al-Salam, Al-Yasar et Al-Zbat ibn Adi ibn Shutlam ibn Ifraim ibn Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalilu Allah. On rapporte qu'il était le cousin du prophète Elias alayhi salam. On rapporte également qu'il s'était réfugié avec lui dans la grotte de Kaysoun dans les environs de Damas. Lorsqu'il avait fui le roi de Baalbek, puis il rentra ensuite dans la ville après la mort de Elias, il le remplaça au sein de son peuple et Allah l'inspira. Tout ceci est rapporté d'après Abd Imunim ibn Idris ibn Sinan, d'après son père, d'après Wahab ibn al-Munabih, sur ce Tarikh Dimashq. D'autres ont dit que Asbat avait vécu à Bibenia, une petite bourgade non loin de Damas. Concernant la vie du noble prophète, l'imam Ismaïl Katir, car la défense miséricorde, rapporta que l'imam Al-Hassan al-Basri, car la défense miséricorde, a dit: Al-Yasser est venu auprès d'Elias a.s. et a été envoyé au même peuple à voir les bénis Israël de Syrie. Il est resté auprès d'eux le temps qu'Allah Azzawajal voulut ceci, et les appelant à l'adoration d'Allah Azzawajal. En suivant strictement la ligne de conduite d'Elias alayhi salam et sa législation. Après qu'Allah Azzawajal l'eut rappelé à lui, il y a eu diverses épreuves de sédition au sein de son peuple, et les tyrans se multiplièrent en tuant des prophètes qu'Allah Azzawajal envoyait. L'un de ces tyrans était un roi entêté. On rapporte d'ailleurs que c'est à lui que Dhul-Kilf avait promis le paradis et s'était porté garant pour lui s'il se reportait et revenait à Allah Azzawajal. On dit que ça serait pour cela qu'il fut surnommé Dhul-Kilf, celui qui se porte garant. Mohammed ibn Ishaq a dit qu'il s'appelait Al-Yathal ibn Akhtoub. Sur ce Al-Badiya, quant à lui, l'imam Mohammed ibn Jalil al-Tabari, qui a la fasse miséricorde, a dit dans son ouvrage intitulé At-Tahir, At-Tahir, qui s'appelait Al-Yada ibn Akhtoub ibn al-Ajouz. Toujours dans le même livre, il rapporta également la même chose que l'imam Al-Hassan al-Basri, qui a la fasse miséricorde. Concernant les troubles de la mécréance du peuple de Al-Yazar alayhi salam après sa mort, alayhi salam, en précisant que cela engendrait la colère d'Allah Azrajal, qui les fit gouverner par les tyrans et les mit parfois sous le joug de leur ennemi extérieur, et à chaque fois qu'il arrivait à triompher de leur ennemi, c'était grâce aux bénédictions qui se trouvaient dans l'arche de Noé, alayhi salam. On le relique des familles de Moussa et Harun, alayhi salatu wassalam, qu'ils utilisèrent or au cours d'une bataille qu'ils avaient opposée aux habitants de Radah et Asta Askalon. Et ces derniers prirent le dessus sur eux et leur subtilisèrent l'arche, et apprenant cela, le roi du peuple de Al-Yazar, al-Islam, mourut de tristesse, et les bénis Israël se trouvèrent alors sur chef jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal leur envoya un prophète qui s'appelait Samuel al-Islam. Ils lui demandèrent alors de leur établir un royaume afin qu'ils puissent vivre et combattre sous ses ordres. Mais comme leur habitude, les bénis Israël y détrahirent et tombèrent à nouveau dans la mécréance et la rébellion. Et Allah est plus savant. Voilà mes frères et sœurs. Je clôture la deuxième partie du chapitre, la croyance des prophètes. Désolé pour si je m'exprime mal ou certainement je n'arrive pas bien à les dire. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous guide dans le bon chemin et nous écarte des mauvais. Qu'Allah protège nos frères et sœurs dans le monde. qu'Allah nous protège de toute chose mauvaise. Voilà, la prochaine partie, c'est sur la discussion entre Adam et Moussa alayhi salam. J'essaierai de faire un effort sur ma façon de parler. Des fois, j'ai un peu difficile à dire quelques mots. Je m'en excuse. Mais voilà, mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.